Et maintenant, si vous ajoutez un tréma, un umlaut, sur le O de konnte et konnten, vous obtenez könnte et könnten. Könnten avec O umlaut qui correspond au conditionnel du verbe pouvoir. Donc, wir könnten, c'est nous pourrions. À vous de le dire. Wir könnten. Bien. Könnten. Wir könnten. Oui. Et vous pourriez, avec le vous de politesse, Sie, c'est donc Sie könnten. Donc nous avons wir könnten pour nous pourrions, wir konnten pour nous pouvions et wir können pour nous pouvons. Et on retrouve les mêmes formes avec Sie. Par exemple, comment diriez-vous « Pouvez-vous manger avec moi aujourd'hui ?» Können Sie mit mir heute essen? Bien. Können Sie mit mir heute essen? Et la même question au passé. Pouviez-vous manger hier avec moi? Ça donne? Konnten Sie mit mir? Konnten Sie, pouviez-vous, mit mir, avec moi? Hier? Gestern? Manger? Gestern essen? Bien. Konnten Sie mit mir gestern essen? Et maintenant, pourriez-vous manger avec moi? Könnten Sie mit mir essen? C'est ça. Könnten Sie mit mir essen? Après le verbe porte-manteau könnten, il vous suffit de mettre l'infinitif essen à la fin de la phrase. Könnten Sie mit mir essen? Donc, on a können et könnten. Vous utiliserez l'un ou l'autre pour formuler une phrase plus ou moins polie. Par exemple, pouvez-vous me dire le faire, etc. Können Sie? Ou pourriez-vous me dire le faire, etc. Könnten Sie? Ainsi, pourriez-vous me dire se dit Könnten Sie mir sagen? Könnten Sie mir sagen? Oui. Et pourriez-vous attendre maintenant? Könnten Sie jetzt? Jetzt? Oui. Attendre? Le château de l'attente? Warten. Oui, c'est ça. Warten. Warten, c'est attendre. Donc, encore une fois, pourriez-vous attendre maintenant? C'est Könnten Sie jetzt? Könnten Sie? Oui, d'accord. Könnten Sie jetzt? Warten? Könnten Sie jetzt warten? Donc, pourriez-vous, c'est könnten Sie. Mais vous pouvez aussi dire pouvez-vous attendre maintenant en utilisant le porte-manteau können? Können Sie jetzt warten? Bien. Können Sie jetzt warten? Können Sie, c'est donc pouvez-vous. Et könnten Sie, avec un T, pourriez-vous. Könnten Sie. Könnten est un verbe porte-manteau très utile, puisque könnten Sie va vous servir à donner des ordres polis. Vous ajouterez alors bitte, s'il vous plaît, juste avant le verbe. Par exemple, comment direz-vous pourriez-vous faire cela, s'il vous plaît? Könnten Sie es tun, bitte? Könnten Sie es tun, bitte? Könnten Sie es bitte tun? Et comment direz-vous pourriez-vous me dire cela, s'il vous plaît? Könnten Sie es mir bitte sagen? Oui. Könnten Sie es mir bitte sagen? Comment diriez-vous je peux? Ich kann. Ich kann. Et au passé, je pouvais? Ich konnte. Ich konnte. Et je pourrais? Ich könnte. Ich könnte. Sans se dit ohne. Ohne, ça s'écrit O-H-N-E. Ohne. Sans vous se dit donc ohne Sie. À vous d'essayer. Sans vous se dit oh, ohne sie. Bien, ohne sie. Comment diriez-vous au conditionnel « je ne pourrais pas le faire sans vous » ? Ich könnte nicht. Ich könnte es. Ich könnte es. Sans vous. Ohne sie nicht tun. Bien. Ich könnte es ohne sie nicht tun. Mais si vous voulez dire je ne pouvais pas le faire sans vous hier, vous n'utiliserez pas könnte ou könnten, mais une autre forme de ce verbe porte-manteau. Quelle est-elle ? Konnte. Konnte, bien. Donc, comment diriez-vous « je ne pouvais pas le faire sans vous hier » ? Comme avant, placez « nicht » près du verbe à la fin. Ich konnte. Ich konnte es. Sans vous. Ich konnte es ohne sie. Hier. Gestern nicht tun. Bien. Ich konnte es ohne sie gestern nicht tun. Ici, on utilise konnte. Ich konnte, je pouvais, ou bien la forme konnten avec wir, nous. Sie, le vous de politesse, ou il ou elle au pluriel. Comment direz-vous je ne pouvais pas vous comprendre? Ich konnte sie nicht verstehen. Encore une fois? Ich konnte sie nicht verstehen. Bien. Ich konnte sie nicht verstehen. Vous voyez, kann est vraiment un porte-manteau important, sous ses formes kann et können. Nous avons également vu les formes passées de können, konnte et konnten, comme dans je pouvais, ich konnte, et nous pouvions, wir konnten, ainsi que les formes au conditionnel, könnte et könnten, comme dans je pourrais, ich könnte, et nous pourrions, wir könnten.